Bonsoir et bienvenue à la première émission régulière de 2025 de Terra Incognita. Les deux dernières semaines, on vous a présenté une rétrospective des parutions de 2024. Et d'ailleurs, si vous avez manqué ces deux émissions, vous pouvez vous rattraper en allant sur la page Facebook ou sur le site web de Terra Incognita. Et puis, en passant sur la page Facebook, on a aussi mis une liste des à peu près toutes les parutions prog de 2024, si vous voulez la consulter. Ce soir, on amorce la première demi-heure avec un doublé norvégien. Dans un premier temps, on aura le guitariste Anders Buass, qui a lancé il y a quelques jours son 8e album qui a pour titre Trollringen, et c'est la pièce The Balance of Being One, avec comme invité spécial le guitariste Bjørn Riis de Airbag, et puis un groupe qui a lancé un album en 2024 et on a peut-être passé à côté, c'est Osul, un groupe norvégien qui a présenté son 2e essai en l'été dernier, Man on the Shore. Et puis Marc, pour faire suite, un autre doublé, mais cette fois-ci un doublé italien. Oui, et on aura d'abord Fabio Zuffanti, qui vient de faire paraître l'album Yarta. C'est paru le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, puisque c'est un album qui est entièrement consacré aux éléments qui caractérisent la saison froide. On aura pour vous ce soir la pièce Pozzo della Notte, et ce sera suivi de Mauro Montobbio, qui est un multi-instrumentiste qui avait fondé Narrow Pass avec son frère Guido, d'abord dans les années 90 et ensuite reformé dans les années 2000. Il a fait paraître en 2024 son premier album intitulé Scattered Memories, vraiment excellent. Il y joue de tous les instruments, guitare, clavier, basse, et également il y a plusieurs invités sur cet album-là, donc on aura pour vous la pièce de Gate sur laquelle apparaissent entre autres Elisa Montaldo de Il Tempio delle Clessidre. Et vous en aurez certainement d'autres extraits de cet excellent album au cours des prochaines émissions. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec la nouveauté de Anders Buass. Forgotten, I had moved on once more, cursed by ambition, blind for all to see, the balance of being one, torn between matter and mind. Satisfied yet longing for more, I could never get it right. Anyway, I'm so much better now. It hit me hard and fast. I went all in, soul and skin, but this could never last. Every snowflake is an angel, and the leaves fall once more. A drop of rain, a shiver of pain, I walk alone. Anyway, I'm barely hanging on. Please hold. Bonsoir, Ici Mauro Montobbio et je suis fier de vous présenter un extrait de mon album Scattered Memories. Thank you. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. On entame cette nouvelle demi-heure avec un groupe de Montréal, une nouveauté. L'album doit paraître le 7 février prochain. Le groupe a pour nom Tumbleweed Dealer et il est actif depuis 2013, donc 4 albums à sa feuille de route bientôt, avec ce nouvel album qui a pour titre Dark Green. Et puis, du Mexique, Deep Limbic System. On vous présente un extrait du deuxième album qui est paru en 2024. Le titre de l'album, c'est Catharsis. Deep Limbic System avait présenté un album en 2016 sous le titre de The Embryo. Et puis de Victoria en Colombie-Britannique, Fen. Le groupe a présenté en septembre dernier son sixième album intitulé Dear Mouth. Et on va avoir la pièce titre de cet album. Et puis Marc par la suite, mais on se dirige du côté de l'Allemagne. Oui, et ce sera la formation Breeze qui ont fait paraître en 2024 leur huitième album qui a pour titre Echoes from a Distant Past. On aura pour vous la pièce The Inner Light et ce sera suivi de la formation Imperial Measures qui ont fait paraître le 1er janvier 2025 leur second album qui a pour titre The Promise of Morning. La formation compte dans ses rangs Peter Rand qui signe les paroles et musiques. Il y a également Kevin Hartnell et Stephanie Kissamore. On aura pour vous la pièce Running Scared et comme vous le disait Michel, on débute avec la formation montréalaise Tumbleweed Dealer. We'll be right back. Gleaming little eyes.

De retour à l'émission Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation internationale de Samurai of Prague, featuring Marco Grieco, qui a composé entièrement l'album The Time Machine, paru à l'automne 2024. On aura pour vous la pièce Future, sur laquelle apparaît la chanteuse de Magenta, Christina Booth. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation italienne qui a fait un retour sur disque en 2024, après de très longues années d'absence. Oui, en fait, on parle de 30 ans d'absence pour le groupe Arc-en-Ciel, et c'est l'album Hard Times qui est venu briser ce long silence. Le groupe avait présenté en 1994 Normality of Perversion, et c'est un groupe qui a présenté son premier album en 1988. Aujourd'hui, ben, il ne reste qu'un seul membre de la formation originale, c'est le batteur Gianni Lavagno. Ce soir, on vous présente un extrait de ce quatrième et nouvel album de Arc-en-Ciel, et c'est la pièce Too Late, et c'est une pièce épique qui frôle les 18 minutes, et c'est ce qu'on écoute à l'instant. The blame of you must blind. The poet wrote evil rhymes. The poison in the sea, the defeat of iron and steel. The prophet was more, you are responsible. The change is soon not possible. Of ice, ignoring the white bird's cry. You live on the edge, despising the gifts you have, destroying by rage. Why are you waiting? Why are you waiting? Why? The sip of the donut sea. Trees. Sometimes you believe to love again, feeling like being reborn, immersing waterfall. Sometimes you believe to win again. Thank you. animals. You can keep playing the game. For to land the part we trust, the draw the dialect that kills, that will never be the same again. I have seen the tower fall, the wars and fighting that never end. How can you believe and live in ideas? Yeah, don't feed on me, nurses. Holocaust, I've forgotten the sacrifices made in vain. How can you believe and live in this way? Don't sell yourself for a pound. Remember

De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation québécoise Chaos Moon, tirée de leur plus récent album The Goldfish, paru en 2024, avec une pièce instrumentale qui a pour titre The Hatching. On aura également le super groupe norvégien Action Freda, tiré de leur plus récent album Lys Fremtid i Mørk, paru en 2024, second album pour ce collectif. Et on aura pour vous la pièce Dalai Lama's $5 Mamas, partie 1. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une nouvelle formation grecque a présenté un premier album en novembre dernier. Oui, il s'agit de Jupiter Fungus et le premier essai du groupe a pour titre Garden Electric. En fait, je parle d'un groupe, mais c'est à la base, c'est un duo qui a su fort bien s'entourer. Donc, le duo, c'est Arès Papatriantafilou, qui est claviériste, chanteur et guitariste, et Fotis Xenikoutakis, qui est à la flûte. Ce soir, on vous présente la pièce d'ouverture de cet album. La pièce a pour titre Underdog et c'est ce qu'on écoute à l'instant. Thank you. phony glance, no form disclosed, no masks, no rules. But somehow these millions shall seem to fade inside the dark and give a place for open smiles. Now what I see is only me and all these things I'm hanging on and have to leave behind. No other hearts, no friendly talks would make me change my mind. I have to walk this path alone and see what I can find. And all you fools who stare at me and act like civilized, just see my voice and tell you all the others all we rise. Thank you. conclure l'émission ce soir, on a choisi une formation italienne qui, en 2024, a effectué son grand retour et près d'un demi-siècle après son premier album. On parle de Semiramis qui, en 1973, avait présenté Dedicato a Phrase et qui, en 2024, est revenu sur le devant de la scène avec La Fine Non Esiste. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être toujours au rendez-vous. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita si vous voulez avoir plus de nouvelles sur ce qui se passe dans le monde du prog. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants. Et Marc et moi, on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. Notti del nord, nutrirmi di sole e albe.